métal, chambres de peinture, ateliers d'électroinformatique et bien d'autres. Venez jeter un œil sur atelierlapatente.org pour découvrir nos formations. L'inscription est obligatoire. info@atelierlapatente.org ou 418-476-8176. Vous avez des talents cachés? Vous voulez offrir une formation spécialisée? Contactez-nous. Mais ça, après tout... Non, mais qu'il soit intéressé dans son don, moi, c'est pas le genre de choses qui me dérange, là. Tu sais, ou que ça le fasse paraître bien, mais tant mieux pour lui. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Sais-tu ce qui l'a fait paraître bien? Oui. Qui parle français? Les matins éphémères, en semaine, dès 7h. Oui, exact. Moi, les gens ont beaucoup réagi à ça, oui, effectivement. Ben oui. Ah, non, mais il est hyper sympathique. Donc, sur tous les plans, là, opération vraiment réussie. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette édition du 29 septembre de l'Aérospatiale, votre magazine radio dédié aux arts visuels à Québec. Audrey Caro au micro pour la prochaine heure avec vous pour vous parler d'actualités et d'événements en art actuel à Québec. Et aujourd'hui, je reçois plusieurs invités, à vrai dire, et en première partie d'émission, je vais m'entretenir avec Caroline Gagné, directrice artistique d'Avatar, au sujet d'une intervention de Christophe Migonne chez Sillon le disquaire. On aura également le plaisir d'entendre Simon Roy qui vient nous présenter l'artiste multidisciplinaire Ergo Fizmiz et son album Music from a Fairy Tale of World War II. Et par la suite, je vais discuter également avec Sophie Jacques et Sarah Booth qui nous parlent de l'exposition De passage présentée à la salle d'exposition du pavillon Desjardins de l'Université Laval. En deuxième portion d'émission, Amélie-Laurence Fortin, directrice du Centre Regard à Lévis, vient nous parler de l'exposition Forme élargie qui a lieu en ce moment au Centre. Et on va terminer l'émission avec une chronique d'Andréanne Gagnon et de Sophie Lessard-Latendresse qui vont venir nous parler de l'exposition de Dan Brau présentée à la Galerie 3. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les actualités en art actuel à Québec sur notre page web l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. Vous pourrez également y trouver les émissions en balado-diffusion, les calendriers des événements, des billets publiés par nos collaborateurs et la sélection audio de Simon Roy également. Et je vous invite aussi à aimer notre page Facebook l'aérospatiale pour justement être plus au fait de toutes les actualités en art visuel. On commence l'émission, donc j'ai avec moi Caroline Gagné, bien sûr de chez Avatar, donc comme je disais, directrice artistique chez Avatar. Et on apprenait à la fin du mois de mai qu'après 31 ans de service, Sillon le disquaire allait fermer ses portes au cours de l'automne, donc dans quelques jours même, si ce n'est pas déjà fait. Situé sur la rue Cartier, dans le quartier Montcalm, Sillon est un magasin de musique pour les mélomanes et les curieux de musique. Et justement, on a un artiste qui a été particulièrement attristé lorsqu'il a appris cette fermeture. Et Caroline, donc Christophe Migonne, a préparé quelque chose de spécial pour souligner, si on peut dire, les 31 ans de service de Sillon le disquaire. En fait, c'est aussi une déclinaison d'un projet sur lequel il travaille depuis des années, on va dire. Puis c'est vrai que c'est un moment particulier où le hasard fait que se rejoint un événement qui est presque social, là, la fermeture de Sillon quand même, c'est pas banal, et une déclinaison de son projet Record Release 7 pouces. Christophe Migonne était en résidence de création ce printemps à Avatar, qui est un centre d'artistes qui est membre de la coopérative Méduse. On a une expertise en audio, on travaille l'électronique, l'audio principalement, mais on est aussi complètement ouvert à toutes les formes d'art que peuvent prendre, comme là, dans ce cas-ci, c'est des sérigraphies. Oui, effectivement. Des sérigraphies qui représentent quoi, au juste? Donc, c'est ça. Record Release de Christophe, c'est un projet où il reprend l'idée du vinyle, en fin de compte, sous toutes sortes de déclinaisons. Fait qu'il va même, il est même allé chercher des matières brutes de granules là, qui servent okay. à faire les, qui servaient, j'allais dire, à faire les vinyles. Puis il va genre les prendre en photo. Donc c'est un artiste audio qui fait de l'improvisation sonore, de la performance, qui a fait des disques aussi, mais qui se laisse totalement libre d'aller vers la photographie ou dans ce cas-ci la sérigraphie. Donc au printemps, il était pour une semaine à Avatar pour travailler un projet. Puis en même temps, il a appris cette fermeture-là. Puis tout bonnement, mais juste par le fait, le rapprochement avec son projet. Puis comme Christophe a habité à Québec, là, il habite à Toronto, mais il habite à Québec, c'est même un membre important là, d'Avatar. Il s'est dit « Ah, je pourrais faire quelque chose, on pourrait faire quelque chose comme qui relierait le projet d'art et, dans le fond, cet événement-là. » Oui, puis je pense aussi, Sion avait été assez ouvert auprès d'Avatar dans les années. C'est vrai que quand Christophe, ça y est venu à ses oreilles, quand il nous a parlé de ça, on se disait, ben mon Dieu, c'est vrai, Sion, comme Avatar a plus de 20 ans, un petit peu plus de 20 ans maintenant, puis c'est vrai que chez Sion, ils ont été ouverts tout de suite à ce qu'est l'art audio, puis on comme gardé les disques, parce que nous, on a toujours édité des disques en art audio, puis ils les gardaient en consigne, ils en parlaient, tu sais, étaient ouverts. Fait que c'est sûr que, d'une certaine façon, c'est comme un clin d'œil, là. Oui, puis il y avait une... Donc, amicale. C'est ça, une bonne relation hein, ouais, entre tout les à deux, fait. D'ouverture. Oui, oui, oui. Moi, quand j'en ai parlé à Denis de chez Sion, tu sais, il était pas, comment je dirais, il nous connaissait bien, puis il savait que j'arrivais avec un projet qui était spécial, mais qui était très ouvert aussi. Donc, j'ai pu voir que c'était depuis le 17 septembre que c'était installé, mais à quel endroit, justement, sont-elles placées pour les gens qui passeraient dans le coin qui aimeraient ça regarder, intervention? On a utilisé, en fait, les babillards de la rue Aberdeen, c'est-à-dire les babillards qui sont sur l'immeuble de Sion, mais qui donnent sur la rue Aberdeen, qui était défraîchi de toute façon. Là, on a comme placé les sérigraphies là. Puis là, c'est de là qu'ils sont visibles. Et avec Michael, qui travaille à Avatar, là, aux communications, on avait parlé un peu quelle stratégie, puis avec l'artiste aussi, pour en parler. Puis ce qui avait été décidé, c'est que Christophe, qui écrit super bien, il a écrit un super beau texte. Oui, effectivement. Sur l'idée de sans sillon, sans disque, tout en relation justement avec le projet. Fait que ce qu'on a fait, c'est que le lendemain de la fermeture de le disquaire, on a placé les affiches et le lendemain, on a mis sur le Facebook de Sion le texte, très simplement comme ça. Puis là, ça a bougé. Après ça, sur le Facebook d'Avatar, là, on a plus introduit le projet. Ce qui fait que ça s'est fait aussi comme en douceur. Puis je pense que les œuvres d'art qui sont si proches d'événements comme ça, c'est intéressant de l'amener de cette façon-là. Oui, parce qu'en même temps, c'est tellement subtil aussi qu'on pourrait passer à côté c'est en sûr. Même temps. Mais c'est super intéressant parce que pour les habitués aussi, on voit qu'il y a quelque chose qui a changé. Puis c'est pas non plus de la publicité, donc c'est pas de la différent, publicité, là. C'est même en tout cas, je vous invite à aller voir le texte là, soit sur le Facebook de Sion ou sur le site web d'Avatar, ou c'est là, je vous le lirai pas maintenant, mais c'est très beau, les images aussi de sérigraphie d'ailleurs, que je veux mentionner, que Marika Lemay a sérigraphié. Oui. Puis c'est deux sérigraphies différentes. L'un, c'est un disque sans sillon qui n'était pas encore gravé, qu'on a scanné. Puis l'autre, c'est une forme de disque, mais tout avec les petites granules de matériaux, matières premières en vinyle. Eh bien, Caroline, je te remercie beaucoup d'être venue nous parler de ça. Donc, on invite tout le monde à se présenter, là, du moins en passant sur la rue Cartier, à couper vers la rue Aberdeen, regarder ces deux sérigraphies et en même temps aussi à aller lire le très beau texte de Christophe Migonne sur le Facebook à la fois d'Avatar, de Sion et également la page web, sinon, d'Avatar. Oui, puis si vous pouvez pousser la curiosité d'aller voir le site web de Christophe Migonne, qui est un artiste prolifique depuis... Qui est prolifique, qui réalise beaucoup d'œuvres intéressantes. Ben c'est super. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Audrey. Alors, nous, on va se quitter quelques instants pour une pause audio. On va avoir de l'autre côté de celle-ci, Simon Roy, justement, qui va venir nous présenter l'artiste Ergo Fismiz que vous allez entendre à l'instant. Donc, le titre de l'extrait qu'on entend, c'est « Lottie on the Streets ». Bienvenue à l'aérospatiale. Je suis en compagnie d'un collaborateur de longue date de l'émission, Simon Roy, qui fait pour nous à chaque semaine la sélection audio que vous entendez. Et on avait envie cette année de lui laisser un petit peu la parole pour qu'il puisse venir nous présenter, que ce soit un artiste ou un groupe, peu importe selon son humeur. Donc aujourd'hui, Simon, tu nous parles de l'artiste qu'on vient tout juste d'entendre, un artiste spécial. Ergo Fismiz. Oui, c'est un artiste donc qui vient de l'Angleterre. Il est actif depuis les années 2000. Donc c'est un écrivain, un compositeur, un collagiste, un faiseur de théâtre et d'opéra. Il est aussi producteur radio. Il a déjà collaboré à faire des émissions à la BBC en Angleterre, WFMU aux États-Unis, puis plein d'autres radios un peu partout en Europe. Donc, un artiste vraiment spécial. On ne sait jamais à quoi s'attendre d'un album à l'autre. C'est toujours des projets complètement fous. Entre autres, il avait fait un album donc qui durait 15 heures. C'est The Faust Cycle, une espèce d'aventure audio vraiment incroyable. Je le réécoute toujours de temps en temps par petites bribes. C'est vraiment fou. C'est ça. C'est, des fois, ça peut être des covers de pièces pop repris à sa façon. Il est multi-instrumentiste en plus. Il s'amuse beaucoup avec les pianos préparés. Donc, il prépare les pianos de différentes façons, puis il fait faire des sons qui sortent vraiment de l'ordinaire. Donc, c'est un expérimentateur vraiment incroyable. Ça fait un bout de temps que je suis sa carrière, puis à toutes les fois, c'est toujours une surprise assez incroyable de ces albums. Oui, j'ai justement, ça a piqué ma curiosité quand tu m'as fait cette proposition-là. Je suis allée chercher, puis j'ai vu justement qu'il attirait l'attention des médias à chaque fois. On le décrit comme une espèce de bibitte un peu unique, si on peut dire, là, dans le milieu. Il est impossible à classer. Je crois que je lisais aussi qu'il y a à peu près 2000 vidéos sur YouTube qui a sa musique, parce que la plupart de sa musique est distribuée de façon gratuite. Okay. Donc, c'est un fervent défenseur de la mouvance Creative Commons, donc c'est un peu le porte-étendard du mouvement, un des porte-étendards, donc c'est ça, la plupart de ces trucs sont vraiment accessibles, c'est gratuit, donc ça c'est facile à obtenir. Oui. Et puis l'album, justement, que tu nous présentes aujourd'hui... Oui, c'est ça. C'est une musique instrumentale pour une pièce de théâtre. Donc, c'est ça. Il a déjà fait des trames sonores de films, mais là, c'est pour un théâtre. Mais un théâtre assez spécial. Ça a été présenté au Bridgeport Art Center à Chicago. C'est une pièce qui mélange musique, animation, théâtre d'ombre avec marionnettes, un peu comme les trucs qu'on voit en Indonésie. Mm-hmm. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille durant la Seconde Guerre mondiale qui se retrouve dans les studios de cinéma de propagande Babelsbergen en Allemagne. C'est donc des studios de cinéma qui produisent une arme de propagande nommée la bombe de vérité. C'est donc petite fille, on s'en doute, qui va essayer de faire contrecarrer les plans des nazis. Donc c'est ça, c'est une pièce qui est jouée avec des adultes et des enfants. Donc, ça pique vraiment ma curiosité. J'aimerais vraiment voir cette... Oui. Ben, ça fait penser un peu à Inglourious Basterds de voyons, Tarantino, ben justement. Oui, c'est ça. Hein, un peu l'envers de la médaille, là, si on peut dire. C'est ça. Puis c'est le fait multimédia aussi. Là, c'est vraiment... Toutes les arts se sont touchés en même temps. Il aime beaucoup s'entourer. Je crois qu'il y a un bon réseau d'amis. Puis... qui aime embarquer dans ses projets, donc c'est ça, c'est vraiment spécial, puis c'est ça, ça mélange un peu conte de fées, propagande nazie, donc un mélange qu'on voit absolument à nulle part, donc... assez savoureux quand même. Oui, c'est ça, puis c'est ça, comme je disais, c'est toujours différent, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous proposer pour son prochain album. Parfait. Donc, pour trouver justement sa musique, c'est assez simple. On tape Ergophysmis, il y a un site web, un blog. Oui, on peut télécharger cet album-là en se rendant sur le blog de l'aérospatial. Oui. Il va y avoir les liens puis tout ça. Sinon, ben, c'est Ergophysmis, on fait une recherche, on tombe sur lui tout de suite. Il y a beaucoup de musique qui est disponible sur la Free Music Archive de WFMU, sinon c'est ça, il y a plein d'étiquettes qui distribuent ces trucs, donc un artiste vraiment facile à trouver. Ben c'est super, merci beaucoup Simon de nous faire découvrir cet artiste. On va aller justement écouter Inside Babelsberg, toujours du même album qu'on a nommé tout à l'heure. Alors bien au plaisir de te reparler. Mais merci. À la prochaine. Merci. On est de retour à l'aérospatial. Donc, on entame maintenant le dernier déjà volet avant la première moitié de l'émission. Je reçois avec moi en entrevue Sophie Jacques et Sarah Booth qui viennent nous parler d'une exposition qui va, dont le vernissage va être vendredi cette semaine. Jeudi cette semaine. Donc, l'exposition de passage qui regroupe à la fois donc le travail de toi, Sarah, de Audrey Demers-Roberge, ainsi que Héloïse Plamondon-Pagé. Et Sophie, toi, tu es la commissaire de cette exposition-là. Premièrement, bonsoir, mesdames. Bonsoir. Alors, je suis curieuse de savoir un peu qu'est-ce qui a initié cette exposition-là? Comment c'est parti, tout ça? Je peux y répondre. Dans le fond, le projet, les prémices du projet remontent quand même assez longtemps. Durant mon bac en histoire de l'art à l'Université Laval, je connaissais bien la salle pour y avoir travaillé. Et j'ai toujours trouvé dommage qu'il n'y ait pas plus de lien entre les gens en art visuel et en histoire de l'art. Donc, je m'étais toujours dit que j'allais faire un projet dans cette salle-là pour essayer de joindre les deux. Et je ne l'ai pas fait durant mon bac. Et là, je termine une maîtrise. Donc, c'était pas mal le dernier moment où je pouvais le réaliser puisque c'est une salle qui se consacre vraiment plus, aux étudiants de l'université. Donc, j'ai déposé un projet, j'ai rejoint un peu in extremis à la dernière minute les trois artistes qui ont embarqué vraiment rapidement. Ça s'est monté rapidement également, puis on a terminé le montage ce week-end et c'est maintenant ouvert. OK, super. Et puis, comment tu as regroupé ces trois artistes-là? Est-ce que c'était des amis? Tu les connaissais? Je connaissais un peu personnellement Héloïse. Sinon, je suivais la production de Sarah depuis 2012 environ. Et Audrey, je l'avais vu passer aussi un peu, entre autres, à la foire en art actuel. Je suis partie, dans le fond, d'une idée, donc de la trace qui peut être soit un événement ou un état ou quelque chose, dans le fond, une action qui va mener quelque chose. Et de là, j'ai commencé à voir, dans le fond, le travail de Sarah pour la gravure, Héloïse. Au départ, c'était pour de l'estampe et Audrey. Donc, voilà. En fait, j'ai oublié. Oui, c'est tout rassemblé. C'est ça, comment tu les as rassemblés. Oui. Ben, Héloïse aussi, qui nous a... qu'on a travaillé ensemble à Canadian Bacon, puis qu'on voulait travailler ensemble. On envoyait beaucoup, beaucoup de liens. Donc, j'ai approché Héloïse, qui m'a un peu référé Sarah, et moi, j'avais approché Audrey de manière un peu impersonnelle via son site web, donc ça vaut la peine de faire des sites web. Oui. Et puis, Sarah, dans le fond, qu'est-ce que tu nous présentes dans cette exposition? Oui, en fait, encore une fois, je présente un peu mon processus, donc, je pars d'une matrice tableau, donc où je grave du bois, un contreplaqué, qu'ensuite j'en fais des estampes, j'imprime, donc il y a une petite installation. Dans le fond, nos œuvres sont éparpillées, là, ils se... se complète, il y a vraiment un dialogue. On voulait pas séparer l'espace par artiste. Donc, il y a vraiment une mise en espace qui a été réfléchie. Mm-hmm. On voulait pousser à bout ce que la salle pouvait offrir, qui a vraiment des particularités, disons, originales. Donc, beaucoup de rangements, des colonnes, des portes, un mur rideau en fenêtre. Donc, on a vraiment joué avec tout ça. Mm. Puis, l'œuvre de Sarah, dans le fond, qui est très installative, vraiment, se déploie vraiment très bien dans l'espace. OK, super. Donc, est-ce que ça... C'est parce que je me rappelle avoir vu de toi, justement, ton exposition de fête maîtrise, oui. Hein, faut le rappeler, sur la rue Saint-Joseph. Oui. Est-ce qu'il y a des pièces qu'on avait vues là qui vont s'y retrouver? Oui, ça absolument. Va être différent? Oui, il y en a une qu'on retrouve parce que je l'avais créée, je l'ai appelée Ligne du temps cette fois-ci, mais en fait, c'est une sculpture de fibres de verre et de papier. Mais où j'installe mes impressions dans l'espace. Le but de cette œuvre-là, c'est aussi qu'elle se transforme à travers les expositions, dépendant du lieu. Donc, voilà pourquoi je l'ai représentée. Mm-hmm. Cette fois-ci. Oui, parce qu'il faut quand même souligner aux auditeurs, hein, parce qu'on est quand même à la radio aussi, oui. Mais à la fois souvent, c'est ça, de la matrice, donc en bois, puis on a aussi le papier qui est à la fois imprimé des fois, d'autres fois découpé aussi, donc c'est vraiment intéressant de voir comment tu installes ça dans l'espace aussi, mm-hmm. Finalement, c'est comme d'amener le médium, je pense, papier, mais 3D. Exactement, exactement. Puis traverser justement les couches du temps... cette sculpture-là, un bon 3 ans d'impression. Donc, ça aussi, je trouve ça intéressant de cette idée-là. OK, super. Et puis, pour Audrey et Héloïse, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, pour, je vais commencer avec Héloïse. Dans le fond, elle nous offre une vidéo. Okay. Donc, qui joue dans la salle et ça permet également d'avoir un aspect sonore. Donc, le son est diffusé dans l'ensemble de la salle. Donc, pour rejoindre le thème du passage, Héloïse, dans le cadre d'une visite à Venise, est tombée de manière impromptue sur un restaurateur d'œuvres d'art. Ça l'a complètement, je crois, fascinée et elle l'a demandé pour passer la journée avec lui dans un italien approximatif. Mm-hmm. Il y a vraiment un regard très proche sur son sujet. Les deux n'ont pas vraiment pu communiquer car l'enfant ne parlait pas la même langue. Mm-hmm. Et ce que le restaurateur travaille, c'est un cadre en bois. Il y a vraiment un lien à travers les trois pratiques des artistes qui font partie de l'exposition de passage, qui est le médium du bois et ses dérivés. Donc, il y a beaucoup de gravures sur bois, de papier, d'installations qui représentent des armes faites en papier et Audrey qui présente une installation au sol qui est du bois calciné. Donc, pour Héloïse, c'est un restaurateur qui travaille un cadre en bois. Mm-hmm. On voit le passage du temps car le bois est très abîmé, il doit faire des nouvelles incrustations et les retravailler ensuite. Pour Audrey, elle expose dans le fond deux installations et trois dessins. Donc trois dessins au mur qui présentent des arbustes coupés. Donc c'est des dessins dans le fond au crayon de couleur d'assez grand format. Et ces installations, on retrouve dans l'entrée dans le fond qui ponctue le passage quand on entre dans la salle, ce qui s'appelle étude de forêt mix, qui m'apparaît un peu à l'inverse parce que sa production travaille beaucoup le passage de l'homme dans un environnement naturel et la manière dont ce passage va modifier la structure de l'environnement. Donc, on peut voir avec l'installation au sol qui est du bois calciné, qu'elle a ramassé un peu partout. On a souvent vu, quand on se promène dans le bois, on fait une randonnée, des feux de camp qui traînent un peu partout. À l'inverse, l'installation forêt mix, c'est à partir de frottages, dans le fond, sur des troncs de conifères et de feuillus qui forment la forêt mixte. Et qu'elle a, dans le fond, ensuite de ça, monté en structure, en installation, et qui ponctue l'espace. C'est un plus un devoir de mémoire, de conservation, avant le possible passage de l'homme qui va changer tout ça. Intéressant, vraiment. On a une belle variété, je pense, d'œuvres qui vont être là. Et puis, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que cette salle-là était particulière. Je vais vous avouer, moi, je n'ai jamais eu l'opportunité d'y aller. Et je suis certaine que plusieurs de nos auditeurs non plus n'ont pas eu la chance. Est-ce que vous pouvez juste nous en glisser, là, en peut-être deux minutes, quelques mots, c'est quoi ses particularités? Puis en même temps aussi, où cette salle-là est située dans le pavillon des jardins, peut-être pour situer les gens? Oui, absolument. C'est au premier étage, donc oui. On monte les escaliers. Dans le hall, on monte les escaliers, puis c'est au premier étage. Je connais pas beaucoup la salle parce que tu as travaillé avec, mais juste dire qu'il y a quand même les poutres, il y a quand même l'ambiance, il y a des murs vitrés. Oui, dans le fond, on est quand même habitué au cube blanc, ce qui n'est pas vraiment le cas du tout avec cette salle-là. Pour se la situer dans le pavillon, quand le hall, l'atrium central rond, il y a des escaliers, on monte et c'est tout juste en face, dans le haut des escaliers. Pour la salle, donc, on entre, elle est pas rectangulaire, elle a des petits raccoins, des grosses colonnes, elle donne passage sur un autre local, il y a des portes de rangement. Donc, les gens l'utilisent souvent de la même manière, il y a souvent simplement des accrochages au mur, puis... quand on s'est rencontrés la première fois, les trois artistes et moi dans la salle, on a vraiment voulu aller au-delà. Donc, on a vraiment été... je pense qu'on a réussi. On a utilisé ce qu'on pourrait dire les quatre grands murs, qui sont pas nécessairement des murs et droits. Notamment une installation de Sarah qui fait comme un mur rideau de papier face à un rangement. Donc, on oublie ce rangement-là et le mur qui n'est jamais utilisé. Et avec les installations au sol et dans l'espace, je pense qu'on a bien réussi. Moi aussi, je trouve. Ouais. Je suis fière de nous. Ben, en tout cas, ça pique certainement notre curiosité. On pourrait peut-être rappeler aux gens justement un peu les dates de cette exposition-là. C'est déjà commencé. Oui. Mais le vernissage est ce jeudi officiel. Oui. Okay. Donc, c'est les heures d'ouverture, dans le fond, de la galerie qui sont du lundi au vendredi de 9h à 16h30 et le samedi de midi à 16h. parce que c'est un pavillon de service de l'université. Et c'est du 28 septembre au 17 octobre et le vernissage est ce jeudi 1er octobre dès 18h. Dès 18h, oui. Parfait. Eh bien, on va vous souhaiter que beaucoup de gens aillent voir cette exposition-là. Merci. Donc, on rappelle au pavillon, à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval, donc le 23-25 rue de l'Université. Merci beaucoup, les filles, d'être venues à l'émission et puis on vous souhaite un bon succès. Merci. Merci de l'invitation. Alors, nous, on s'en va en pause et on vous revient pour la deuxième moitié de l'émission. CKRL 89.1. Millennium pour millénaire et non pour Lisbeth Salander. Millennium pour 1000 ans de musique qui vous sont proposés tous les mardis soirs dès 19h30. Il y a deux sortes de musique, disait Duke Ellington. La bonne et la mauvaise. Millennium vous propose la première dans tous les genres et de toutes les époques. Ainsi, le troubadour Muddy Waters côtoiera son ancêtre Bernard de Ventadorn, Chopin et Catherine Major partageront leur clavier et Frank Zappa se disputera avec Miles Davis. À ne pas rater, c'est Gilles Chomel qui régale. Nous sommes de retour à l'aérospatiale. Vous êtes toujours en compagnie de Audrey Carreau et nous entamons donc la deuxième moitié de l'émission. Et on s'intéresse maintenant à l'exposition qui a lieu chez Regards à Lévis, donc jusqu'au 25 octobre. C'est une exposition collective intitulée « Formes élargies ». On peut notamment y découvrir le travail de 6 artistes. Et nous avons ici en studio Amélie Laurence Fortin, qui est directrice générale et artistique de Regards, mais qui est également co-commissaire de cette exposition qui ouvre la programmation. Bonsoir Amélie. Allô Audrey, comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Ça va très bien, merci. Super. Alors, cette exposition-là est assez intéressante. Donc, plusieurs artistes, une exposition collective. Qu'est-ce qui a initié ce projet-là au juste au départ? Bien, j'avais envie de travailler avec une programmation 2015-2016 qui se différenciait un peu des programmations précédentes. Donc, j'ai installé l'idée d'un thème, bon, qui est très, très large, mais qui me permet aussi à moi de faire à la fois des recherches, mais de m'intéresser à des pratiques particulières. Donc, pour la programmation 2015-2016, Regard va s'intéresser à la sculpture. Donc, pour initier le projet d'entrée, parce qu'en septembre, on a toujours une exposition collective, ça commence à devenir une tradition chez nous. Oui. J'ai décidé avec le co-commissaire Pavel Kaminski de dresser un portrait quand même assez large, comme dit le titre d'ailleurs, mm-hmm. mais un portrait assez large des développements de la sculpture à partir des années 60. OK. Intéressant. Et puis, je pense qu'il y a un texte en particulier qui vous a inspiré pour ça. Oui, c'est un texte de Rosaline Krauss. Je ne sais pas comment qu'on dit le E dans son nom, mais c'est un texte de cette femme-là qui était essayiste, assez avant-gardiste à l'époque. Puis son texte était sur... peux-tu me rappeler le titre que tu as devant toi? Oui. Parce que j'ai la tête ailleurs. Écoute, je ne l'ai pas sous la main ici. C'est Sculpture in the Expanded Field. Oui, fait voilà. Dans son texte, elle s'intéressait à la sculpture dans son champ élargi, si on veut faire la traduction directe. Donc, à cette époque-là, il faut se rappeler, on est dans les nouvelles, là, on a l'installation Land Art. Fait que les artistes commencent à aller à l'extérieur, mm-hmm. explosent la galerie pour faire du paysage puis de l'architecture. Un lieu de sculpture. Donc, la sculpture, à partir de ce moment-là, c'est questionné. Rosaline Krauss l'a nommé par ce texte-là. Bien entendu, c'est pas la seule qui l'a fait, mais elle l'a fait d'une façon très bien. Et puis, en retombant dans ce texte-là, qui est quand même à la mode en ce moment, là, depuis un an et demi. Je me suis surtout, puis avec le coup comme ça, on s'est surtout posé la question, mais après la sculpture dans le paysage, après la sculpture dans l'architecture, qu'est-ce qu'est devenu la sculpture? Est-ce que la sculpture est restée, est revenue dans la galerie tout simplement? Est-ce que les technologies sont entrées dans la sculpture? Est-ce que la sculpture est un média unique comme la peinture peut l'être, par exemple? Oui. Parce que la peinture est peinture. Va rarement se transformer dans d'autres médias, puis c'est pas le cas de la sculpture. Ce qui est intéressant, c'est qu'après cette explosion dans les années 70 de la sculpture est devenue dans tout. Donc, on a eu la sculpture sonore, on a eu la sculpture cinétique, qui existait déjà avant, mais qui a explosé. Donc, ça, la sculpture est rentrée à peu près dans tous les médias, puis finalement, la sculpture est devenue photographie, la photographie est devenue sculpture, le dessin est devenu sculpture, tout est, le papier, il y a plein, tous les médias se sont mis le nez dans la sculpture s'est mis dans le nez de tous les médias. Donc, c'est un peu de ça qu'on traite, là. Oui, parce que moi, j'ai eu la chance d'aller voir l'exposition, puis c'est un peu ça aussi, ce à quoi on est confronté avec les 6 artistes que vous avez sélectionnés, pas nécessairement d'arriver devant des sculptures, mais parfois une représentation photographique de cette sculpture-là ou même cinétique. Moi, j'ai été très, très heureuse de voir qu'il y avait une œuvre cinétique aussi dans tout ça, parce que c'est quelque chose qui a hors du mois multi, ici à Québec, on a rarement l'occasion de voir. Est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu comment vous aviez effectué cette sélection-là, parce que c'est plutôt des artistes de l'extérieur de Québec que vous avez sélectionnés. Oui, en fait, le jeu pour nous, c'était de se relancer. Comme on était deux dans cette sélection-là, on a commencé à jouer au jeu de trouver le meilleur artiste. Donc, mais quand on commence à chercher des artistes, ça nous a pris 8 mois à les trouver. Donc, quand on commence à chercher des artistes, ça devient vraiment fascinant. C'est comme faire des recherches sur Google. Mm-hmm. Ça arrête plus, c'est infini. Puis on tombe sur quelque chose, on tape des mots-clés, on tombe sur un artiste, on tombe sur une galerie qui nous donne d'autres artistes. Puis on est devenu avec une carte immense d'un panorama très, très, très, très, très, très, très large d'artistes, sculpteurs, photographes, performeurs qui travaillaient à partir du sujet de la sculpture. Puis on s'est donné une règle, en fait. On s'est dit, OK, on va choisir 3 artistes à l'intérieur du territoire du Québec, puis 3 artistes à l'extérieur du territoire du Québec. Puis pour moi, c'était une super occasion de m'intéresser aux pratiques qui venaient du reste du Canada. Donc, on a commencé à regarder, j'ai commencé à regarder en Ontario, au Manitoba, à Vancouver, on a regardé un peu partout, puis on est allé chercher des représentants de certaines pratiques, des gens qu'on est capable de nommer, disons, eux, cette personne-là fait cette pratique-là depuis tellement longtemps qu'on peut le nommer, puis ensuite, c'est juste des hasards. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup d'invitations, on a parlé avec beaucoup de gens, mais pas tout le monde était disponible. Donc, évidemment, on a fait les demandes à la dernière minute, donc il y a eu un choix qui s'est fait de soi-même, puis dans ce choix qui s'est fait de soi-même, de commissariat un peu hasardeux, il est arrivé tellement de belle magie parce que les artistes qui étaient disponibles, les œuvres qui étaient disponibles se répondaient d'elles-mêmes, donc c'est devenu vraiment fantastique comme processus, là. OK. Et puis, est-ce que tu peux nous glisser un petit mot de ce qui nous attend là-bas à la galerie par rapport aux artistes? On ne les a même pas encore nommés. Non, hein, on ne les a pas nommés encore. Oui. On va faire ça. On a 2 artistes de Toronto. Chris Carrery, qui est un jeune photographe très, très en vue en ce moment, qui est vraiment un artiste d'une belle sensibilité extraordinaire. On a Lois Anderson, qui est l'artiste cinétique qui t'a impressionné, donc qui est une artiste majeure dans l'art cinétique canadien, une artiste mature aussi, toujours de Toronto. De Montréal, on a Fred Laforge, on a Jacinthe Lessard-L. De Chicoutimi, on a Mathieu Vallade, et puis on a de Londres, Naoko Takahashi, qui est originaire du Japon. Ce qui nous attend dans l'exposition, c'est, en fait, il faut prendre un traversier piéton. Quand on prend le traversier piéton, on va débarquer du nouveau terminal du traversier, puis en face de nous va s'installer la première œuvre, qui est la seule œuvre extérieure de l'exposition, qui se place devant sur un toit de parking. Donc, je vous dis pas c'est quoi. Faut ouvrir l'œil, finalement. Sortant du traversier, on rouvre l'œil. C'est une œuvre monumentale, camouflée, de moins en moins parce que les feuilles vont changer de couleur, mais camouflée pour l'instant. C'est une œuvre de Mathieu Vallade. On va aller vers la galerie qui est à 2 pas du traversier, donc on tourne à droite. droite, on marche exactement 3 minutes 20 secondes. Et puis, on va avoir les œuvres en galerie, mais on a aussi une œuvre en vitrine. L'œuvre en vitrine, c'est toujours Mathieu Valade qui est comme notre représentant extérieur, si on veut, qui est une œuvre qui s'appelle « Sentir les choses », qui est une œuvre de néon. En néon rose qui propulse le mot affect, qui clignote le mot affect sans arrêt. Donc le jour on la voit moins, le soir on la voit très bien. Puis ensuite quand on rentre dans la galerie, on va voir les œuvres des 5 autres artistes, donc Fred Laforge en premier, des sculptures sur le corps les corps atypiques, c'est les œuvres les plus faciles d'approche je pense. Ensuite les photographies de Chris Lois, Jacinthe et Naoko, une œuvre sonore. Oui, et puis moi, j'ai particulièrement aussi eu un petit coup de cœur pour justement les sculptures de Fred Laforge. Pour tous ceux qui se passionnent aussi pour l'impression 3D, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça aussi. Puis aussi comment c'était décuplé. À la fois, on avait vraiment les sculptures, mais il y avait aussi des dessins qui accompagnaient ça. Donc, en tout cas, une exposition qui est assez intéressante, donc d'aller faire le tour pour nous, pour ceux qui sont pas familiers nécessairement avec la sculpture contemporaine ou l'idée de la sculpture qu'on pourrait se faire. Et bien voilà, fait que ça vaut le détour de se rendre chez Regard. Peut-être rappeler aux gens où est situé Regard, là? Regard, c'est 5956 rue Saint-Laurent à Lévis. Donc, si vous prenez le traversier, c'est juste en face du terminal du traversier, donc vraiment en deux pas. Si vous prenez l'autoroute, c'est un peu plus long, donc allez sur le site Internet pour avoir plus d'informations. Parfait. Alors, on va mentionner que cette exposition, La forme élargie, est jusqu'au 25 octobre et on peut visiter la galerie du mardi au dimanche de midi à 17 heures. Alors, merci beaucoup, Aménée, d'être venue nous présenter l'exposition. Ça fait plaisir. Alors, nous, on va se laisser pour une courte pause musicale, toujours Ergo Fizmiz et ses Porkchop Ballet. Déjà rendu à la dernière portion de l'émission j'ai avec moi en studio mes deux chroniqueuses, à vrai dire Andréane Gagnon, on t'a entendu. Bonjour. Allô, oui. On t'a entendu la semaine dernière venir nous présenter la nouvelle image de l'aérospatiale et on a encore une petite nouvelle cette semaine. Allô? Sophie Lessard, la tendresse, qui est avec nous. Et là, les filles, dans le fond, on parle de l'exposition de Dan Bro, Buffet campagnard, à la Galerie 3. Et là, je vous avais donné vous avez décidé, à vrai dire, d'aller voir l'expo, mais de façon séparée pour pas vous contaminer, je pense. Exactement, oui, on voulait. Fait que finalement, on pourrait entamer. Allons-y. Est-ce qu'il y en a une qui veut se lancer? Un coup de cœur? Oui, on s'est donné comme mandat d'aller visiter l'exposition de Dan de façon séparée. On s'est dit justement avoir chacun notre point de vue. Puis, ce qui est génial, c'est qu'on est allé dans deux contextes complètement différents. Okay. Alors, Sophie est allée durant le vernissage. Ah. Moi, j'ai fait le choix d'y aller en fin de semaine, dimanche, et à un moment de la journée où la galerie était un peu plus tranquille. Alors, j'ai eu, si on veut, le privilège d'être seule devant l'œuvre de Dan Bro. Puis, à ce moment-là, en fait, j'ai vraiment découvert tout un monde. Je connaissais déjà quand même bien la pratique de Dan Bro. Mm-hmm. Puis dans la vie, il y a comme des beaux synchronismes parfois. Là, j'avais vu justement l'œuvre qui a été installée dans les arts publics du Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, une œuvre de Dan Bro qui a été acquise il n'y a pas très longtemps, je crois, par le musée. Oui. Et je trouve que vraiment, premièrement, j'ai justement vu l'épée du peintre qui a attiré mon attention et qui m'a donné envie de mon côté de parler de Dan à l'émission ici. Okay. Donc, quand je suis allée voir l'exposition, je savais déjà que Dan maîtrise très bien la peinture, donc ça, c'est indéniable, hein, pour quelqu'un qui connaît la pratique de Dan Brough comme pour quelqu'un qui s'initie aux œuvres de l'artiste, il y a quelque chose de certain là-dedans, c'est que Dan Brough connaît très bien la peinture, il maîtrise très bien le pinceau. Oui. Et en fait, quand on se retrouve devant les œuvres de Dan Brough, surtout quand on est bon, quand on a la chance comme moi d'être seule devant des œuvres, là j'ai eu le temps justement d'apprécier, de découvrir tout un monde qui s'offrait à moi, parce qu'en fait, les œuvres de Dan Brough, c'est ça, c'est vraiment l'accumulation. C'est foisonnant, tout, là, vraiment. C'est foisonnant de symboles, symboles à la fois populaires, personnel à l'artiste. Et en tant que spectateur, quand tu regardes une œuvre de Dan Brough, tu comprends justement qu'il y a des symboles de personnels à l'artiste, donc des histoires plutôt personnelles. Mais en tant que spectateur, tu te permets aussi parfois de t'approprier certains. C'est Carl Bastien qui a réalisé son plus récent album à Charles Dubé, et je trouve que ça paraît, on retrouve vraiment la signature de Carl Bastien qui avait travaillé auparavant avec Daniel Bélanger. Vous allez le remarquer dans l'extrait qui s'en vient, un extrait qui bouge et qui est ensoleillé même si l'été a bel et bien laissé place à l'automne. Voici Ciel ouvert avec Charles Dubé et Clic Franco. Super bagne de la vie, Choc de la bande, choc de la preuve. Oh, quel grand bruit aujourd'hui. Elle résonnera à jamais. Salut, mon ami. Je garde ton sourire pour la vie. Le souvenir d'une mère, d'une femme. Il nous prend ce qu'il y a de mieux. Le bagne de la vie a cogné fort à par ici. Le bagne de la vie, oh non merci. Le bagne de la vie a frappé fort cette nuit. Le bagne de la vie, oh non merci. Possible. Autour, tour, tour, tourne en chauffole. L'amour fort est invincible. Hey, mon ami, je garde ton courage pour la vie. Et le souvenir d'une mère, d'une femme, d'un amour. Rastaman, le paradis n'attend jamais. Il se fout que l'on soit prêt. Il nous prend ce qu'il y a de mieux. Le bagne de la vie a cogné fort par ici. Le bagne de la vie, oh non merci. Le bagne de la vie a frappé fort cette nuit. Le bagne de la vie, oh non merci. La vie se déplace encore. La vie se déplace encore. Une autre étoile qui brille fort. La vie se déplace encore. La vie se déplace encore, une autre étoile qui brille fort. La vie se déplace encore, la vie se déplace encore, une autre étoile qui brille fort. La vie se déplace encore, la vie se déplace encore, une autre étoile qui brille fort. Oh, le bagne de la vie a cogné fort par ici. Le bagne de la vie, oh non merci. Le bagne de la vie a frappé fort cette nuit. Le bagne de la vie, oh non merci. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Il y a pas mal d'artistes qui sont dans l'ombre, qui émergent cet automne. Je trouve ça particulier parce que souvent, ce sont les gros noms, je vous en ai déjà parlé à Clic Franco, les gros noms qui vont lancer des albums à l'automne pour profiter des ventes de Noël. Alors, les artistes un peu moins connus vont profiter des mois un peu moins achalandés au niveau des parutions musicales comme février, mars. Mais cette saison-ci, on dirait que ça fait exception. Et c'était la chanson « Le bang de la vie » que vous venez d'entendre à Clic Franco avec Pomerleau, un artiste qui a lancé déjà plusieurs albums, mais qui n'a pas encore connu tout à fait le rayonnement pour le faire connaître. Et c'est vraiment particulier parce que c'est un peu de reggae qu'on retrouve dans cette chanson-là, mais il y a aussi de l'accordéon. C'est rare qu'on voit un mélange de ces instruments, de ces genres avec la pop world qui est en arrière de ça. Bref, à suivre. Le 9 octobre prochain, un album qui va s'intituler « Légende personnelle ». Dimitri, maintenant, il nous présente sa chanson « Être bien ». C'est un nouveau nom pour un artiste qui a évolué sous plusieurs autres noms de groupes. Son nom à lui, c'est Pierre-Alexandre, mais il a fondé les groupes Lac Estion et Le Roi Poisson. Deux groupes indépendants qui ont émergé il y a quelques années, mais on sent un virage un peu plus pop, beaucoup plus commercial en fait. Avec cette chanson qui s'intitule « Être bien », le nom à retenir dorénavant, c'est Dimitri. Les gens cherchent un endroit comme ça. Et moi, je l'ai trouvé au bout de mes doigts. Mon coin de paradis. Mon coin de paradis. ton cœur qui bat dans la chaleur de ta chair. Tes reliefs m'appellent et me rappellent toute la chance que j'ai, toute la chance que j'ai. Je n'ai qu'une chose en tête. Pourquoi m'empêcher d'y mettre ma touche, d'y laisser couler un peu de moi-même, doucement, tout doucement. Je n'ai qu'une chose en tête. Je n'ai qu'une chose en tête. Ça y est, je me lance, je me fous des offenses. Pas les convenances, je saisis ma chance. Une main dans tes cheveux. Ce soir, je suis heureux. Une main dans tes cheveux. Ce soir, je suis heureux. We'll be right back. clic, clic, Franco. C'est comme en dedans, il fait ni beau ni nuage, c'est comme un entre-deux. Pas vraiment mort, ni vivant, ni mal, ni heureux, ni haut, ni feu. Voilà la somme de mes aveux, mon équilibre, mon milieu. C'est comme en dedans, le gris a pris la place du bleu. Alors, se sont enfuis nos jeux. Et puis je sors et j'ignore et je mens, perdu dans le dédale devant mes yeux. Se trouve la somme de mes adieux, mes équilibres.